Alors, je vous disais que Michaud, en fait, m'accompagne depuis mon adolescence. Je pense, si je me souviens bien, c'était au collège, en fait, un très bon prof de français qui nous a lu des poèmes de Michaud, donc c'était quand même assez incroyable. Bien entendu, après, pendant mes études littéraires, et puis sa peinture, je l'ai découverte, je pense que j'avais 18 ans, dans une galerie à Paris. Voilà. Et Michaud m'accompagne, en fait, depuis, parce que quand je sens, en fait, que je commence à être étriquée dans ma vie, dans mes idées, ou dans... Voilà, je pense à Michaud parce que, voilà, lui, il était contre tout enfermement, il était contre beaucoup de choses, mais parce qu'il était vraiment sûr de son projet artistique. Vous pouvez m'arrêter, hein, si je vais trop vite aussi. Donc, pour commencer, je vais vous lire la citation qui est au-dessus de mon bureau et qui est toujours là. Je suis de ceux qui aiment le mouvement qui rompt l'inertie, qui embrouille les lignes, qui défait les alignements, me débarrasse des constructions, mouvement comme désobéissance, comme remaniement. Alors pourquoi cette citation ? Parce que c'est tout le projet d'Henri Michaud. Donc, on va prendre quelques repères. Henri Michaud est belge. Il a été naturalisé français en 1955 et il a habité à Paris à partir de 1924. Son projet, je vous ai parlé déjà de la vitesse, du mouvement, etc. Et son projet, en fait, c'est l'expérimentation de l'homme dans sa condition d'être humain. Donc c'est pour ça qu'il touche beaucoup de personnes. Je suppose que vous connaissez Michaud ou même simplement certaines phrases. Hein, ne désespérez jamais, laissez infuser plus longtemps. Je crois que c'est une des phrases qui est assez connue. À partir de 22 ans, le sentiment de ratage m'avait largement envahi. Ma famille me considérait comme un raté et me le répétait. Une tachycardie sans doute nerveuse, jointe à un souffle très prononcé et que l'on diagnostiquait insuffisance cardiaque, m'interdisait tout effort, toute aventure. Donc, je vous ai dit, il est né en 1899 et donc avec une maladie cardiaque et il va vivre jusqu'à 85 ans. Il pensait partir beaucoup plus tôt et il écrira dans Ecuador, son deuxième livre publié, « Je suis né troué ». Et donc il va faire de cette anomalie, de ce corps malade, le guide de son existence et le point de départ de son travail. Je vais vous lire « Je suis né troué ». Donc dans Ecuador 1929, « Il souffle un vent terrible. Ce n'est qu'un petit trou dans ma poitrine, mais il souffle un vent terrible. Ce n'est qu'un vent, un vide. » Malédiction sur toute la terre, sur toute la civilisation, sur tous les êtres à la surface de toutes les planètes à cause de ce vide, voilà ma réponse. Donc il va dépasser en fait toutes les formes d'enfermement, comme ce corps malade qui le contraint, et pour retrouver une liberté et s'ouvrir à l'expérimentation de son être intérieur. Alors, les titres de ses œuvres, de ce recueil le disent, hein, « L'espace du dedans », l'infini turbulent, passage, la vie dans les plis, la nuit remue, connaissance par les gouffres, émergence, résurgence, face au verrou. Voilà, il y en a d'autres. Hein. Donc Michaud va faire l'expérience du dedans, de son être intérieur, dans une présence en fait obstinée au présent, en fait, à la réalité présente, mais dans les sensations et dans les émotions. Et donc, c'est toujours dans l'observation du corps, corps et mental, bien entendu, dans tous ses états et à travers les mouvements en tous sens. On a vu déjà un petit aperçu comme ça de ce que ça donne dans ses peintures. Donc, le but pour lui, c'est d'aller chercher le mystère, le gouffre intérieur, et de le redonner en signe, donc que ce soit en mots, en dessin ou en dessin, et toujours dans une vitesse d'exécution effrénée, en fait. Et là, les expériences de la mesquine dont j'ai parlé tout à l'heure, on va le voir. Donc Michaud traverse, ça va être des mots qui vont revenir très très souvent dans ses écrits. Il se fraye des passages, il trace des sillons, il met en mouvement, vite, dans la spontanéité, et surtout avec rage, pour faire émerger l'intérieur. Il dira découvrir son corps, il dira que ce sera comme pour découvrir son corps comme un pays imaginaire, le reconnaître en voyageur, en curieux, en perplexe. Donc on va voir, c'est une œuvre assez singulière, assez immense. Il y a beaucoup, beaucoup de textes de tous les genres littéraires et de dessins de peinture. Donc on a à la fois des poèmes, des textes courts, des aphorismes, du théâtre, un journal de voyage, des récits, d'expériences, des essais, des réflexions. Il y a un très beau texte sur les dessins d'enfants dans Déplacement, Dégagement. Et donc, en fait, dans chaque phrase, chaque mot a une densité et du coup, ça résonne en nous. Vous pouvez ouvrir au hasard, en fait, un recueil et il y a forcément quelque chose, puisque son projet est là de nous parler de nous-mêmes, hein, de notre intérieur, qui va nous bousculer et nous parler. Donc pour ce faire, en fait, il va se libérer de toutes les barrières, expérimenter le mouvement, voir en soi et autour de soi. Hein, c'est pas quelqu'un qui va se renfermer dans son intérieur, mais qui va gérer par rapport à l'extérieur aussi. Et un mot qui revient souvent aussi, c'est se saisir. Donc saisir les profondeurs de l'être. C'est la tâche qui s'est assignée en fait pendant toute sa vie, à la fois par les expériences les plus extrêmes et puis aussi dans des événements très quotidiens. Je vous lirai tout à l'heure un petit extrait de bras cassés. En fait, il s'est cassé le bras et voilà, on se casse le bras, mais lui, il en fait un livre absolument incroyable. Donc son projet, il le dit aussi. Dans mouvement, abstraction de toute lourdeur, de toute langueur, de toute géométrie, de toute architecture. Abstraction faite, vitesse. Mouvement d'écartèlement et d'exaspération intérieure, plus que mouvement de la marche. Mouvement d'explosion, de refus, d'étirement en tous sens, d'attraction malsaine, d'envies impossibles, d'assouvissement de la chair frappée à la nuque. Mouvement sans tête, à quoi bon la tête quand on est débordé? Mouvement des replis et des enroulements sur soi-même et des boucliers intérieurs. Mouvement à jets multiples, mouvement à la place d'autres mouvements qu'on ne peut montrer mais qui habitent l'esprit, de poussière, d'étoiles, d'érosion, d'éboulement et de vaines latences. Je m'arrête là. Donc on va voir en fait que ce projet... comme chez beaucoup de personnes, on va dire, l'origine en fait de cette voie qui va se donner, de ce sillon qui va creuser, c'est l'enfance et l'adolescence, et qu'il a absolument pas aimé et qu'il a pas du tout aimé la Belgique non plus. Des parents rentiers, une mère vraiment peu aimante, et donc il va exprimer toute sa rage et sa colère du monde extérieur où il ne trouve pas sa place mais dont il a besoin. Et du monde intérieur qui l'obsède et le torture et le fascine tout autant. Et la force de l'œuvre de Michaud, c'est que en fait, elle échappe à tout pathos. Et on n'est pas du tout dans l'inconscient des surréalistes. Je suis très embêtée parce que en fait, je vois pas avec mes lunettes. Je vois là, mais je vois pas. Donc les résonances de la condition d'homme. Et tout ça va être non pas dans quelque chose effectivement, soit de l'inconscient, soit du pathos, mais au contraire très très jubilatoire. Et je vais vous lire et beaucoup beaucoup d'humour en fait dans les textes de Michaud. Tout ça donc la base c'est quand même la colère chez lui, la rage. En vérité, celui qui ne connaît pas la colère ne sait rien, il ne connaît pas l'immédiat. La rage et la colère vont permettre en fait la spontanéité, la vitesse. Dans l'écriture, dans le dessin, alors que si on reste, enfin pour Michaud bien entendu, s'il reste pas dans la rage, tout de suite il y a l'angoisse ou la peur qui va revenir, et donc du coup tout va retomber et il pourra pas s'exprimer ou exprimer en fait dire cet intérieur qui bouillonne. Donc toute sa vie il va être contre. Il l'écrit déjà, donc son projet, dans La nuit remue, en 1934. « Je vous construirai une ville avec des loques, moi. je vous construirai sans plan et sans ciment, un édifice que vous ne détruirez pas, et qu'une espèce d'évidence écumante soutiendra et gonflera, qui viendra vous braire au nez. Au nez gelé de tous vos parthénons, vos arts arabes et de vos ming. Avec de la fumée, avec de la dilution de brouillard et du son de peau de tambour, je vous assoirai des forteresses écrasantes et superbes. Des forteresses faites exclusivement de remous et de secousses, contre lesquelles votre ordre multimillénaire et votre géométrie tomberont en fadaise et galimatia et poussière de sable sans raison. Glas, glas, glas sur vous tous, néant sur les vivants. Oui, je crois en Dieu, certes, il n'en sait rien. Foi, ce mal inusable pour qui n'avance pas. Au monde, monde étranglé, ventre froid, même pas symbole, mais néant. Je contre, je contre, je contre et te gave de chiens crevés. Antonne, vous m'entendez ? Antonne, je vous arracherai ce que vous m'avez refusé en grammes. Le venin du serpent est son fidèle compagnon, fidèle, et il l'estime à sa juste valeur. Frères, mes frères damnés, suivez-moi avec confiance. Les dents du loup ne lâchent pas le loup, c'est la chair du mouton qui lâche. Dans le noir, nous verrons clair, mes frères. Dans le labyrinthe, nous trouverons la voie droite. Carcasse, où est ta place ici ? Gêneuse, pisseuse, peau cassée, poulie gémissante que tu vas sentir les cordages tendus des quatre mondes, comme je vais t'écarteler. Vous voyez que c'est fort, hein, c'est... c'est voilà, mais toute cette rage de son enfance, de son adolescence et du début de sa jeunesse, en fait, vont lui permettre, tout comme ce cœur malade qui normalement ne devait plus fonctionner, d'avancer et d'avancer très vite, et ce projet va être celui de toute sa vie. Donc toute sa vie sera contre quand même. Je ne sais pas si vous savez qu'on a très peu de photos de Michaud, qui est un très bel homme. il sera contre toutes les barrières, tous les carcans, toutes les lois préétablies à suivre. Est-ce que je parle trop vite ? Non, ça va, très bien. Je vais arriver au bout alors. voilà, parce que Michaud est vraiment certain de son projet. Hein. Il est guidé par ce corps qu'il ressent défaillant et qui sera son terrain d'exploration. Et dans une générosité immense, extrême, il va nous donner tout ça, en fait. Donc, il va dire non à beaucoup de choses, et notamment, en premier lieu, la notoriété et l'appartenance à aucun courant littéraire ou pictural. Donc, il ne voudra pas de photos, pas d'œuvres complètes, pas de livres. Elles sont là, les œuvres complètes. Pas de livres de poche, pas de prix littéraire. Voilà. Donc si aujourd'hui on lit en livre de poche, en Pléiade surtout. Alors en Pléiade, c'est grâce à son exécutrice testamentaire, qui est Micheline Fankim, qui était sa dernière compagne, rencontrée en 61, et qui a donc permis la Pléiade. Donc il ne voudra pas de photos. Et il y en a de très très belles de lui. Peu, mais de très très belles. Parce que faites par des grands photographes et pas des moindres, Claude Cahun, Gisèle Freund, Cartier-Bresson. Donc c'est des gens qui gravitaient autour de lui, bien entendu. Des images filmées, on a simplement à la fin de sa vie, c'était en 83. Donc il habitait Paris, hein, Michaud. Il allait très très souvent au cinéma. On a sûrement dû le, enfin peut-être pas moi parce que j'étais pas encore, mais on en a dû le croiser. Mais voilà, il se cachait beaucoup. Alors, on dit qu'il aimait pas non plus son visage, mais bon, surtout il voulait pas être reconnu et connu. Il voulait que ça soit son œuvre qui soit au devant de la scène. Donc là, les seules images filmées qu'on a, c'est en 83. Il va au Collège de France pour voir une conférence donnée par Borges. Et donc là, vous pouvez voir ça dans un DVD qu'on a ici, d'un siècle d'écrivain. Alain Jaubert, qui est là pour filmer Borges, en fait, voit arriver Henri Michaud. Et donc, bah, ça dure 2 minutes à peine. Et c'est très, très émouvant parce qu'on voit en fait Henri Michaud essayer de se cacher dans tous les sens parce qu'on l'a reconnu. Donc, il a des lunettes noires qu'il arborait assez souvent. Et donc, il se cache derrière ses mains, il parle à sa voisine, enfin bon, voilà, pour pas qu'on le reconnaisse. Il a fait une seule conférence publique lui-même, hein, sur la poésie quand il était très jeune, hein, en 1936, et c'était à Buenos Aires, en Argentine, pour son amie Victoria Ocampo, qui était la fondatrice de la célèbre revue Sur, latino-américaine. Donc l'année dernière est paru en fait un livre où l'écrivain Jean-Luc Auters a réuni en fait toutes les lettres où Michaud a dit non en fait à ce qu'on lui proposait. Oui. Dites-moi. Non, non, allez-y, je vous en prie. J'aurais voulu savoir, il est poète, écrivain, et peintre. Oui. J'aurais voulu savoir, en tant qu'artiste, qu'est-ce qui a fait ses débuts d'artiste. Est-ce que c'est la poésie? Est-ce que c'est la peinture? Est-ce que c'est... Alors, ça va être... il va commencer à publier ses textes en 1927. Donc, c'est l'écriture. La peinture, ça viendra en... Alors, son premier texte publié, c'est « Qui je fus » en 1927, et ses premières gouaches exposées, c'est 1937. Et ce sera bien entendu beaucoup plus l'écrivain qui va être connu, et par la suite, le peintre. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Pas à ma connaissance, vous allez voir qu'il est vraiment très très centré sur lui. Ça ne veut pas dire que c'était quelqu'un d'extrêmement, c'était quelqu'un de très réservé, très solitaire, hein, mais extrêmement curieux. Il a une curiosité intellectuelle absolument incroyable. Mais je ne peux pas répondre à votre question. En fait, il y a pas y a, dans ce que j'ai pu lire, il n'y a pas vraiment une influence. Alors, il y en a une avant qu'il se mette à écrire, et c'est Lautréamont avec les Chants de Maldoror. Je vais y revenir. Voilà, je vous en prie. Donc il dit non, et je vais juste vous lire deux petits textes, très très rapidement. Je vais vous en lire qu'un, je crois, parce que sinon je ne vais jamais arriver au bout. Donc il voulait pas de prix littéraire, même les prix littéraires qui viennent de l'étranger. En Italie, on voulait lui donner un prix littéraire, et il a refusé... Voilà, il ne voulait pas de prix littéraire, il ne voulait pas d'édition en poche. Il disait, il faut me mériter. Alors, ça fait très arrogant, mais en fait, il a travaillé beaucoup pour l'édition. Il savait très bien ce que c'était que de publier. Et il y a plein de petites publications comme ça qui sont très, très belles, hein, de Michaud, avec en plus des dessins. Et donc, il était contre la Pléiade et jusqu'à sa mort, hein, en 1984. Donc... attendez, c'est l'autre. Donc Claude Gallimard, qui était son éditeur, donc on est 17 janvier 1984, hein, et il est mort le 19 octobre 1984. Cher ami, je dois, cela va sans dire, vous remercier de votre proposition qui témoigne hautement de l'attention que vous accordez à mes écrits. L'année dernière, déjà dans votre bureau, il avait été question de la Pléiade, à quoi je vous répondis que cela n'était pas pour moi, en tant que distinction d'abord, que je préfère éviter parce qu'elle ferait de moi définitivement un professionnel au lieu de l'amateur que je préfère être et demeurer. La raison majeure est qu'il s'agit dans les volumes de cette prestigieuse collection d'un véritable dossier où l'on se trouve enfermé, une des impressions les plus odieuses que je puisse avoir et contre laquelle j'ai lutté ma vie durant. Me libérer de quantité de pages d'autrefois, retrancher, réduire au lieu de rassembler, voilà quel serait mon idéal. Au lieu de l'étalement de tous mes textes, qui à coup sûr me dégoûterait et à brève échéance me paralyserait. Je veux me persuader que j'en ai dit suffisamment pour éclairer et justifier ma décision et vous demande de bien vouloir ne plus songer à ce projet. Agréez, je vous prie, l'expression de mes sentiments de grande considération et d'amitié, Henri Michaud. Il est crié. Voilà. Juste avant de continuer, on est aussi à l'époque du surréalisme, hein, et il va donc se démarquer aussi du surréalisme, même si c'est un courant qu'il aime, enfin qu'il apprécie et qui sait être important à l'époque, parce que pour lui, en fait, son travail, que ce soit les mots ou la peinture, surgissent du noir. En fait, c'est de l'ordre de l'apparition. On a vu, hein, c'est l'être intérieur, hein, c'est, vous voyez, ces espèces de figures là, de mouvements de foule aussi agités, des têtes qui sont imprécises Et donc on est plus dans un on est plus dans un déversement de l'intérieur que dans un imaginaire fictif qui a trait à l'inconscient comme chez les surréalistes. Donc premier texte publié qui je fus en 27 et première gouache exposée en 37 à Paris. Et la reconnaissance en tant qu'artiste, et là pour répondre à votre question, ce sera d'abord en tant qu'écrivain, elle viendra en 41 grâce à André Gide, l'autre grand écrivain qui a fait beaucoup pour d'autres écrivains, pour les mettre au devant de la scène. Ce sera au moment de la guerre en 41, donc Gide comme Michaud, comme d'autres écrivains, se trouve dans le sud de la France, et à Nice Gide le 21 mai voudrait faire, enfin doit faire une conférence sur Michaud, et en fait la conférence est empêchée par la Légion française des anciens combattants pétinistes. Et donc il ne peut pas prononcer cette conférence, et il va y avoir une publication de cette conférence un peu plus tard, en juillet 41. Et c'est cette publication en fait qui va faire connaître Michaud pour beaucoup beaucoup de monde. Donc voilà, on ne va pas les remercier non plus. Mais alors qui est Michaud? On lui demandait, puisqu'il était connu, hein, à partir des années 45 jusqu'à beaucoup plus tard, jusqu'à la fin de sa vie, on lui demandait toujours des repères biographiques, etc., ce à quoi il se refusait. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, au bout d'un moment, il s'est dit, je vais écrire quelque chose. Et donc en 1960, il écrit quelques renseignements sur 59 années d'existence. Et je vais vous en lire le début, comme ça on va faire connaissance avec Michaud. Et je vais mettre les lunettes. 1899, 24 mai, Namur. Naissance dans une famille bourgeoise. Père ardennais, mère wallonne, un des grands-pères qu'il n'a pas connu, d'origine allemande. Un frère, son aîné de 3 ans, lointaine ascendance espagnole. 1900-1906, Bruxelles. Indifférence, inappétence, résistance. Inintéressé. Il boude la vie, les jeux, les divertissements et la variation. Le manger lui répugne. Les odeurs, les contacts, sa moelle ne fait pas de sang. Son sang n'est pas fou d'oxygène. Anémie. Rêve, sans images, sans mots, immobile. Il rêve à la permanence, à une perpétuité sans changement. Sa façon d'exister en marge, sa nature de gréviste fait peur ou exaspère. On l'envoie à la campagne. Pudgrescheid, 1906 à 1910, hameau situé dans la Campine. 5 ans en pension. Pensionnat pauvre, dur, froid. Étude en flamand. Ses condisciples sont fils et filles de petits paysans. Secret, retranché. Honteux de ce qui l'entoure, de tout ce qui l'entoure, de tout ce qui depuis sa venue au monde l'a entouré. Honteux de lui-même, de n'être que ce qu'il est. Mépris aussi pour lui-même et pour tout ce qu'il connaît jusqu'à présent. Il continue à avoir le dégoût des aliments, les fourre enveloppés de papier dans ses poches et une fois dehors, les enterre. 1911 à 1914, Bruxelles. Retour à Bruxelles, sauvé. Il préfère donc une réalité à une autre, les préférences commencent. Attention, tôt ou tard, l'appartenance au monde se fera. Il a 12 ans. Combat de fourmis dans le jardin. Découverte du dictionnaire, des mots qui n'appartiennent pas encore à des phrases, pas encore à des phraseurs, des mots en quantité et dont on pourra se servir soi-même à sa façon. Étude chez les jésuites. Avec l'aide de son père, il s'intéresse au latin, belle langue, qui le sépare des autres, le transplante, son premier départ. Aussi le premier effort continu qui lui plaise. Musique, un peu. 1914-1918, Bruxelles, 5 ans d'occupation allemande. Première composition française. Un choc pour lui. Tout ce qu'il trouve en son imagination. Un choc même pour le professeur qui le pousse vers la littérature. Mais il se débarrasse de la tentation d'écrire qui pourrait le détourner de l'essentiel. Quel essentiel? Le secret qu'il a depuis sa première enfance soupçonné d'exister quelque part et dont visiblement ceux de son entourage ne sont pas au courant. Lecture en tous sens, lecture de recherche pour découvrir les siens et part dans le monde, ses vrais parents, pas tout à fait parents non plus cependant, pour découvrir ceux qui peut-être savent. Hello, Ruisbrock, Tolstoï, Dostoïevski. Lecture des vies des saints des plus surprenants, des plus éloignés de l'homme moyen. Lecture aussi des excentriques et des extravagants ou des jeunes belgiques à la langue bizarre qu'ils voudraient plus bizarre encore. Après son baccalauréat, l'université étant fermée à cause de l'occupation, 2 années de lecture, de bricolage intellectuel. 1919, prépare le PCB, ne se présente pas à l'examen, abandonne la médecine. 1920, Boulogne-sur-Mer embarque comme matelot sur un 5-mâts schooner. Rotterdam, 2e embarquement. Sur le victorieux, un 10 000 tonnes, une belle ligne que les Allemands viennent de livrer à la France, on est 14 dans un petit poste d'équipage à l'avant. Camaraderie étonnante, inattendue, fortifiante. Brême, Savannah, Workfork, New York, Newport News, Rio de Janeiro, Buenos Aires. Au retour à Rio, l'équipage qui se plaint d'être mal nourri refuse de continuer et en bloc se fait porter malade. Par solidarité, il quitte avec eux le beau navire, manquant aussi, de la sorte, le naufrage qui aura lieu 20 jours plus tard au sud de New York. 1921, Marseille. Le désarmement mondial des bateaux, ex-transport de troupes et de vivres, est à son maximum. Impossible de trouver un engagement. La grande fenêtre se referme. Il doit se détourner de la mer. Retour à la ville et aux gens détestés, dégoût, désespoir. Métiers et emplois divers, médiocres et médiocrement exercés. Sommet de la courbe du raté. Sacré personnage. Donc, je vous avais dit que ses parents étaient rentiers. Donc, à partir du moment où il arrête ses études de médecine, en fait, ils vont lui couper les vivres, comme on dit. Et donc, il va s'embarquer sur des bateaux. Il va faire plein de petits boulots. À un moment, il veut entrer dans les ordres, mais son père refuse. J'ai voulu entrer dans les ordres et plus tard être médecin. J'aurais été incapable d'apprendre la médecine malgré mon goût pour elle. Et ce qui est très important, étudier, apprendre, c'est accepter. Accepter d'accepter. J'en étais loin, j'ai pu m'en rendre compte depuis. On revient à sa position de contre-tout, mais parce que son projet est là et qu'il va le tenir, en fait. Donc, à 23 ans, c'est le choc littéraire et il découvre, en fait, les chants de Maldoror de Lautréamont. Qui sont remis sur le devant de la scène par les surréalistes, hein, c'est l'imaginaire qui supplante le réel. Avec ce Maldoror, c'est un personnage assez mystérieux, assez maléfique. Donc il a été vraiment pris par ce livre, comme beaucoup d'autres à l'époque. Lautréamont pourtant m'a possédé au point que je dus me délivrer de lui. Il ne me laissait pas exister. Et donc c'est ce choc littéraire, hein, qui va le diriger vraiment vers son travail, en fait, artistique en littérature. Il va quitter définitivement la Belgique, qu'il déteste, en fait, et il va s'installer à Paris. Donc, en Belgique, en fait, avant de venir s'installer à Paris, il travaille pour Frans Helens, qui est un écrivain littérature fantastique, enfin, un grand écrivain de littérature fantastique belge que... Moi, je ne connaissais pas, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon. Qui dirige une revue littéraire qui s'appelle Le Disque Vert. Et Frans Helens, qui avait découvert les premiers textes de Michaud en Belgique, en fait, va lui proposer de devenir directeur délégué de sa revue à Paris. Et donc, il va le recommander à 2 personnes qui vont, dans la vie de Michaud, devenir de très grands amis durant toute sa vie. C'est Jean Paulhan, donc, qui va diriger la NRF pendant de très nombreuses années, et le poète Jules Supervielle, qui sont tous les deux de 15 ans les aînés de Michaud. Avec Paulhan, il va faire l'expérience de la mescaline avec aussi une autre personne qui est une poétesse suisse qui s'appelle Boissonna. Et donc Paulhan, donc on est en 1924, hein, il va lui faire rencontrer le tout Paris littéraire et artistique du moment. Donc quand on y songe, c'était beaucoup beaucoup de monde et du beau monde. Donc ça va aller de Brassailles à Dubuffet, de Pierre Bettencourt à Claude Cahun, Gisèle Freund, de Célan, voilà. Et aussi, il va fréquenter la librairie, la Maison des Amis d'Adrienne Monnier, qui était une librairie très très connue à l'époque, et où passaient tous les grands écrivains français et mondiaux. Donc là encore, il va rencontrer Paul Faure, Prévert, Sarraute, Jean-Paul Fargue, mais aussi Joyce, Hemingway, Fitzgerald, voilà. Donc c'est pas mal pour un jeune homme, on va dire, de 25 ans. Pollan va l'aider toute sa vie pour ses publications. Et la famille Supervielle, en fait, va le prendre un peu sous son aile et va l'aider pendant toutes ces années d'un point de vue matériel et puis aussi le considérer comme un membre de la famille. Il partira en voyage, en vacances avec eux, etc. Donc pendant cette période, il va travailler donc avec des petits éditeurs, il va faire plein de petits boulots autour de la littérature et pour cette revue belge. Il rencontre aussi à ce moment-là son meilleur ami, son ami le plus intime, qui est Jacques-Olivier Fourcade, qui est un éditeur, donc l'édition Fourcade, et un libraire qui mourra en fait accidentellement, accident de voiture, et Michaud en 66, et Michaud écrira un très très joli texte qui s'appelle Diagonale. Donc Jacques-Olivier Fourcade engage Michaud comme conseiller littéraire et il publiera son livre qui s'appelle Mes propriétés en 1929. Donc vous voyez, on a un Michaud qui paraît pas très sympathique comme ça, hein, contre tout, mal à l'aise avec les autres, fasciné par son monde intérieur, mais en fait c'est quelqu'un qui va s'intéresser à tout, beaucoup à la science et à tout. La politique, la danse, le cinéma, les civilisations lointaines comme les artistes qui sont proches de lui. Enfin voilà, c'est une très grande curiosité intellectuelle. Cette curiosité, il va essayer de la décupler en fait en voyageant. Il va voyager toute sa vie, malgré ce cœur malade. Et donc il va voyager dans le monde entier. Et il va voyager aussi dans ses propres voyages littéraires imaginaires, comme dans des textes qui s'appellent « Voyage en Grande Garabagne » ou « Au pays de la magie » ou « Ici, peau des mains ». Dans ces textes-là, en fait, c'est souvent... Alors, je disais, c'est son monde intérieur, mais dans ces textes-là, c'est souvent la société... les travers de la société qui sont donnés en dérision, en fait. Ces textes-là sont assez jouissifs et en même temps, on part vraiment dans autre chose, mais il y a toujours une sous-interprétation, en fait, quand on y songe bien et quand on lit à travers les lignes. Donc il va voyager toute sa vie. À la fin de sa vie, ce sera avec Micheline Fankim, sa dernière compagne. Donc ça va vraiment de l'Inde au Cambodge, au Mexique. Il va aller à New York en 1970, une ville qu'il va détester. Et après les années 70, il voyagera plutôt en Afrique noire. Donc on l'a vu, hein, il commence très jeune, il part sur un bateau. Et puis en fait, le voyage qui va être une des dates et un point de repère dans sa vie, c'est un voyage en Équateur pendant 13 mois. De décembre 1927 à janvier 1929. Il va partir avec un ami qu'il a rencontré en 1925 à Paris, qui s'appelle Alfredo Gangotena, qui est un poète équatorien, qui vient d'une famille très riche. Et donc c'est aux frais de la famille, en fait, qu'ils vont faire ce voyage. C'est un voyage d'une extrême pénibilité pour Michaud. Donc c'est à se demander s'il ne l'a pas fait exprès, mais on va voir pourquoi. Donc je vous ai dit, il a un cœur malade. Hein, et en fait, c'est 1900, on est autour de 1927. Le climat, c'est un voyage assez sportif. La nature inhospitalière, hein, la forêt amazonienne, enfin voilà. Et il est malade quasiment tout le temps. Alors ça va de l'intoxication alimentaire, la jaunisse, les fièvres à cause des moustiques, enfin bon, c'est vraiment une épreuve. Et donc en fait c'est un voyage qu'il a fait beaucoup plus pour se centrer sur lui-même et avec une espèce de mise à l'épreuve de son être intérieur par la situation extérieure. Et c'est ce qui va décider en fait de son travail artistique. Et il va raconter ça donc dans ce journal qui s'appelle Ecuador, qui est publié en juillet 1929, son deuxième texte publié, et qui est vraiment magnifique de ce point de vue-là, parce qu'en fait, on sent vraiment... Alors, il y a plein de textes différents. Il y a de la poésie, comme je vous ai lu au début. Il y a vraiment des pages de journaux, il se passe ça aujourd'hui, etc. Et donc on a déjà toutes les formes de genre littéraire. Et c'est là aussi, comme je vous ai montré tout à l'heure, en fait, qu'il commence aussi, en attendant les bateaux, à faire des lignes, des alphabets, en fait, des signes sur des lignes à l'encre. Et ça va être aussi le début de son travail de peinture. Donc on voit là qu'en 1929, en fait, on a l'impression que tout est mis en place, quoi. C'est durant ces voyages aussi. Il va revenir d'Équateur, et puis en 1930, ses parents meurent. Son père meurt et sa mère, 10 jours après, le suit malheureusement. Et en fait, c'est à ce moment-là, il va repartir en voyage. Il va dire qu'il voyage contre, donc pour exorciser un peu ce deuil. Et c'est à ce moment-là qu'il va créer le personnage de Plume, dont vous avez sûrement entendu parler. C'est les textes de Michaud qui sont un peu les plus connus. Avec beaucoup, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'humour et un regard décalé en fait du personnage sur la société. Et en fait, c'est Plume, ça va être à la fois un personnage, mais un autoportrait aussi de Michaud. Et personnage en fait qu'il va ensuite abandonner, parce que je pense qu'il a fait le point en fait avec ce personnage, et pour pas se laisser enfermer, comme il déteste ça, dans quelque chose, il va écrire plusieurs textes, puis après il va laisser ce personnage. Mais ce personnage, il est très important parce que en fait c'est sa manière à lui de retrouver un équilibre dans sa vie après ses voyages et après ses épreuves du voyage en Équateur, et d'asseoir sa confiance dans ce qu'il va entreprendre artistiquement. Et aussi d'affirmer sa position en tant qu'artiste différent des autres, et qui ne veut pas se laisser emporter dans un carcan ou dans des courants littéraires ou picturaux, comme je vous ai dit. Tout ça parce que son monde à lui, il est ailleurs, et en fait il va œuvrer pour lui, mais pour tout le monde, puisqu'il va nous parler de nous. Alors Plume, c'est la légèreté, hein, c'est un symbole quand même. C'est un personnage qui n'est pas construit, c'est un personnage qui n'a pas d'identité définie, pas de volonté affirmée, qui se laisse un peu porter par les événements. C'est vraiment la figure de l'inadapté, qui est toujours embarrassé par la société, et qui regarde la société comme un spectateur, en fait. Et du coup, son monde à lui, le monde de Plume, comme celui de Michaud, est le monde en fait de son propre imaginaire. Donc il va regarder en fait comme s'il était au-dessus de ce qui se passait. Et alors on peut penser au personnage de Bartleby, hein, de Melville, avec son « I would prefer not to ». Et vous allez voir, il y a beaucoup d'humour noir, et c'est très drôle. Je vais vous en lire peut-être un seul. Un homme paisible. Étendant les mains hors du lit, Plume fut étonné de ne pas rencontrer le mur. « Tiens, pensa-t-il, les fourmis l'auront mangé ». Et il se rendormit. Peu après, sa femme l'attrapa et le secoua. « Regarde, dit-elle fainéant, pendant que tu étais occupé à dormir, on nous a volé notre maison. » En effet, un ciel intact s'étendait de tous côtés. « Bah, la chose est faite, pensa-t-il. » Peu après, un bruit se fit entendre. C'était un train qui arrivait sur eux à toute allure. « De l'air pressé qu'il a, pensa-t-il, il arrivera sûrement avant nous. » Et il se rendormit. Ensuite, le froid le réveilla. Il était tout trempé de sang. Quelques morceaux de sa femme gisaient près de lui. Avec le sang, pensa-t-il, surgissent toujours quantité de désagréments. Si ce train pouvait n'être pas passé, j'en serais fort heureux, mais puisqu'il est déjà passé... Et il se rendormit. « Voyons, disait le juge, comment expliquez-vous que votre femme se soit blessée au point qu'on l'ait trouvée partagée en 8 morceaux sans que vous, qui étiez à côté, ayez pu faire un geste pour l'en empêcher sans même vous en être aperçu ? Voilà le mystère. Toute l'affaire est là-dedans. « Sur ce chemin, je ne peux pas l'aider, pensa Plume. » Et il se rendormit. L'exécution aura lieu demain. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter ? « Excusez-moi, dit-il, je n'ai pas suivi l'affaire. » Et il se rendormit. Alors, il y en a beaucoup comme ça, des textes de Plume qui sont très très savoureux. Et voilà, je ne peux pas tout vous lire. Alors, à la même période, il va écrire les deux seules pièces de théâtre qu'il a écrites. On a le drame des constructeurs et Chêne. Donc, le drame des constructeurs a été plusieurs fois représenté, mais voilà, Michaud était contre tout ça, en fait. Donc là, on est plus, quand on... L'interprétation qui en est faite, en fait, on se retrouve dans un asile. Et donc, la schizophrénie par rapport au drame des constructeurs et la névrose par rapport aux chaînes. Et je vais vous lire l'acte premier des constructeurs. Et vous allez voir qu'on est dans l'irrationnel total. Donc, ça répond à aucune règle, ce que veut Michaud. Mais on est dans un bon sens aussi humain dans le bizarre. Donc on passe dans une autre dimension, en fait. C'est un peu ça, on passe dans une autre dimension. Alors cet acte se passe à la promenade des constructeurs dans les allées du jardin entourant l'asile. Il y a plusieurs personnages. Ah, souvent, jouant au dé, tout à coup, je me dis « Avec ce dé, je ferai une ville. » Et je ne termine pas la partie tant que je n'ai pas construit une ville. Et pourtant, c'est bien difficile. Et quand il faut loger des Anglais dans un dé avec le square qu'ils veulent à tout prix et leur terrain de golf, eh bien, celui qui dit que c'est facile, qu'il le fasse. Et que ne l'a-t-il déjà fait ? Ce n'est pas les dés qui manquent, je suppose. B. Écoutez-moi, faites-vous d'abord la main sur des puces, non seulement petites, délicates, mais par-dessus tout sauteuses, la puce. Avouez-le, voyons, ne faites pas la mauvaise tête, vous savez bien tous qu'une puce vit de sceaux. Vous avez logé des Anglais dans une puce, vous ? On peut les voir ? Et intacts, hein ? Intacts, pourquoi pas ? Ils ne sont pas plus fragiles que d'autres. Tenez, Manchester, c'est pourri d'Anglais. C. Moi, je construisis une ville où on aurait pu espérer vivre tranquille, et pourtant, enfin, je la construisis avec des ruelles tellement étroites que même un chat n'y pouvait passer que difficilement. Les voleurs n'essayaient même pas de s'échapper. D'avance, ils étaient pris, c'était fatal. Ils restaient là, figés, avec le regard de l'angoisse. Dans mes théâtres, pas de public. Au balcon, j'asseyais des télescopes. Ils restaient là pendant des heures, aux écoutes, furetant le drame et les petites lunettes aux galeries, penchées les unes sur les autres avec sympathie et regardant. Oui, un télescope, on doit pouvoir compter là-dessus. Les petites lunettes aussi. Mes maisons exténuées, les soirs de septembre qui s'affaissaient tout à coup, ouvrant leurs portes et fenêtres, tandis que leurs cheminées s'allongeaient, émanant comme un pistil, comme un clocher. Et ma ville d'iceberg, des icebergs à garde-fous, et plantés où le dernier démorce à son champ et le laboure lui-même avec la masse de son corps pour tracer le sillon. Les baleines pochées qui échouent au petit matin dans les rues obstruant tout, répandant une odeur de « des baleines, je n'en veux pas, on est déjà assez à l'étroit ». Il n'a qu'à s'occuper du plus petit. Je travaille dans les dés, je me force, je me rends myope et voilà qu'on veut nous amener des baleines. Il n'a qu'à les réduire, qu'il en fasse des têtards. Des têtards. C'est juste, tu comprends, on est trop surveillés ici, on est enlevés pour un rien. Tu partirais et puis tu nous vois, nous, restant avec des baleines ? Nous ne les connaissons pas. Ça profite d'un rien d'eau, ces bêtes-là, pour bousculer, culbuter, épouvanter. Ce ne serait pas pittoresque, hein, grand frère, grand constructeur. Tu pourrais peut-être faire de fausses baleines. Et quand arrivent les espions, tu les piques, tes baleines, et elles leur pètent au nez. Si lui t'embête, même chose, pète au nez. Baleine, pas vu, pas de baleine. Elle a plongé la baleine. Vous voyez, quand on voit ces dessins, on se dit, oh là là, ou quand tout ce que je viens de vous dire, mais en fait, c'est bourré de textes comme ça qui sont extrêmement drôles, quand on veut bien se laisser porter et entrer dans ce monde-là. Alors, comme je vous disais, il y a certains textes aussi, il faut les lire entre les lignes, mais il y a des textes comme ça qui sont vraiment jubilatoires, et puis voilà, ça nous lâche de notre réalité qui nous pèse tant. Et c'est un peu ce que voulait Michaud. Donc, on a ici des figures singulières, mais comme je vous dis, qui donnent accès à des mondes différents. Et pour ce faire, en fait, Michaud, il se libère de tout naturalisme et de toute psychologie. Hein, l'interprétation vient après, comme je disais. Et il rend le commun insolite et le réel imaginaire. Et donc là, on entre dans une autre dimension. Maurice Blanchot, autre grand écrivain, dit de Michaud, « Les figures d'Henri Michaud, comme ses histoires, rejettent toute interprétation, ne supposent rien d'autre que ce qu'elles montrent et trouvent complètement leur sens dans le désir qu'elles donnent à l'esprit de ne pas aller au-delà. Il ne faut pas que le lecteur se sente mystifié par la parole. Il a besoin d'être introduit dans l'extraordinaire par le ton qui lui fait le moins croire à quelque chose d'extraordinaire. » Donc voilà, on est dans la simplicité et du coup, ça nous libère franchement du poids de la réalité. Voilà pourquoi j'aime Michaud. Oula, ça va très vite. La force de cet imaginaire qui se défait des contraintes, et donc on peut aller plus loin et être toujours dans l'explosion, la spontanéité. On va voir ce que ça donne dans un texte où il va plaquer ça dans... C'est pas ça. Où il va plaquer ça dans le corps, en fait. Pour permettre l'ouverture d'un monde magique ou surnaturel. Mais magique et surnaturel, non pas... par la raison ou par le manque de raison, mais vraiment par les émotions et les sensations. Donc on est toujours dans le corps. La mitrailleuse à gifles. C'est dans la vie de famille, comme il fallait s'y attendre, que je réalisais la mitrailleuse à gifles. Je la réalisais sans l'avoir méditée. Ma colère tout à coup se projeta hors ma main, comme un gant de vent qui en serait sorti, comme 2, 3, 4, 10 gants, des gants d'effluves qui spasmodiquement et terriblement vite se précipitèrent de mes extrémités manuelles, filant vers le but, vers la tête odieuse, qu'elles atteignirent sans tarder. Ce dégorgement répété de la main était étonnant. Ce n'était vraiment plus une gifle, ni deux. Je suis d'un naturel réservé et ne m'abandonne que pour le précipice de la rage. Véritable éjaculation de gifle. Éjaculation en cascade et à soubresaut, ma main restant rigoureusement immobile. Ce jour-là, je touchais la magie. Insensible eût pu voir quelque chose, cette sorte d'ombre électrique jaillissant spasmodiquement de l'extrémité de ma main, rassemblée et se reformant en un instant. Pour être tout à fait franc, la cousine qui m'avait raillé venait d'ouvrir la porte et de sortir, quand, réalisant brusquement la honte de l'offense, je répondis à retardement par une volée de gifles qui véritablement s'échappèrent de ma main. J'avais trouvé la mitrailleuse à gifles, si je puis dire, mais rien ne le dit mieux. Ensuite, je ne pouvais plus voir cette prétentieuse sans que gifles comme guêpes ne filassent de ma main vers elle. Cette découverte valait bien d'avoir subi ces odieux propos. C'est pourquoi je conseille parfois la tolérance à l'intérieur de la famille. Alors autant vous dire que, voilà, je disais tout à l'heure qu'il faut se laisser emporter aussi dans son monde. Et autant vous dire que dans les années 50-60, les critiques, ils ne comprenaient pas grand-chose. Et dans un entretien avec Robert Bresson en 59, qui dit à Michaud, « J'ai lu des critiques qui ont parlé de votre dernier livre, c'est L'infini turbulent, où il parle aussi de l'expérience de la mescaline. » Je suis frappée de voir à quel point ils sont intimidés devant votre œuvre. Je me demande pourquoi. Michaud répond. Et moi, vous m'en demandez trop. Comment saurais-je ? Serait-ce qu'ils sentent que nous sommes et ne sommes pas sur le même bateau ? Enfermés dans la littérature, hommes d'une seule foi, ils doivent flairer l'hérétique en moi. Ils doivent sentir celui qui, quoique exigeant en littérature à l'extrême, tend, dans le moment où l'on examine son livre, à se diriger ailleurs. Ce n'est peut-être pas ça du tout. Dans l'infini turbulent, le sujet et les impressions hors de l'ordinaire laissent les critiques sans point de comparaison, sans référence, et sur un terrain depuis longtemps maudit et tabou. Donc, il va faire l'expérience des extrêmes dans son corps, on verra un tout petit peu plus tard pour la mescaline et les drogues. Mais aussi, chaque accident de parcours dans sa vie va être le sujet d'observation et d'expérimentation. Et donc, je vous disais, il s'est cassé le bras et il a dû être opéré du coude. Et donc, il va découvrir l'homme gauche chez lui. Et donc, il va écrire, en fait, cette aventure sensorielle dans « Bras cassés », ce texte magnifique. Et vous allez voir, c'est de la chute au réveil et dans quelle langue. Alors, on peut dire « il chuta », mais écoutez ce que dit Michaud pour évoquer sa chute. « Soudain pivote, dirait-on, enlacé ensemble, se détache et de moi se libère mes deux pieds. Je venais de glisser. Cependant que mon corps, basculant de dessus la terre et soustrait à son emprise, s'engage en l'air en arrière quand plus soudain encore dans mon dos, un brusque brutal se plaque contre moi. Le sol. Le sol, évidemment, ce ne peut être que lui. » Le sol revenu, sur quoi je gis maintenant, inerte, un sol dur, un sol comme un père punisseur et intransigeant qui m'eût guetté au retour de l'école buissonnière, une sorte de père quasi instantanément revenu, cassant, borné, buté comme personne et totalement incompréhensif. C'est donc ça une chute. Et c'est ça, la terre. Lorsqu'après quelques instants où elle s'est dérobée à vous et vous à elle, elle vous revient en force et vos membres relâchés n'arrivent plus à la tenir en respect. Mis à part pieds ou bras cassés, ou pieds et bras à la fois, tandis que je suis là par terre, il se passe quelque chose d'étrange, quelque chose mais dérobé, mais continuellement dérobé. Silence. Je considère autour de moi le silence, un certain nouveau silence. Donc il va se faire opérer. Et au réveil, et aussi s'éveille petit à petit un mal inconnu. Braise. Braise dans le bras. Braise et percement. Horrible cette braise et absurde. Là était mon bras avant. Il ne peut être devenu braise. Tout de même ce message feu toujours répété. Feu, feu, feu sans flamme. Cependant, tournant avec précaution la tête pour ne pas bouger l'épaule, je vois un considérable pansement à ce qui doit être mon bras et ne peut être du feu. Car qui irait faire un pansement sur du feu? Et pourtant, feu, feu, feu incessamment répété. Enfin, s'interposant la morphine placée étouffoire, et je puis regagner ma coupole, si je puis dire, et un espace libre de feu, je m'y endors. Un peu plus loin. Depuis ce matin, à ma droite qui n'est plus un bras, qui n'est plus de la braise, un meuble. Voilà le signal intérieur d'à présent. Le signal ne dit plus feu, ce n'est pas empêchement qu'il dit, ou lourdeur, non, ce n'est pas non plus meuble qu'il dit, c'est tantôt armoire, tantôt bahut. Je regarde 10 fois, 20 fois, les regards étant faits pour corriger les impressions. Le bras est toujours là, malgré l'armoire. J'aurais donc vécu 2 jours presque sans arrêt avec dans mon lit, au lieu d'avant-bras et de poignet, un meuble au bras attaché à mon corps, faisant comme si de rien n'était, écoutant distraitement les conversations. Puis un matin, sans transition, ce sera un maillon qui sera à la place du meuble. Maillon au bras. Pourquoi un maillon? Un énorme maillon dans les 100 kilos, maillon de ses chaînes à relever les ancres des paquebots. Pas très différent de l'armoire en poids, mais plus pendant. De là, sans doute. Qui ne connaît pas ces phénomènes pensera peut-être que ce maillon ne restait que de ce maillon ne restait rien lorsque je regardais le bras. Erreur. C'est ce bras qui, quoique réel, me paraissait me tromper, puisque je savais que toute la journée, dès que j'aurais les yeux ailleurs, je devrais traîner un maillon volumineux et lourd, trop lourd pour lequel je ne suis décidément pas fait. Qui est fait pour cela? Pourquoi pas simplement un poids? Eh bien non, c'était un maillon. Il s'agissait d'un maillon d'emblée. Un peu plus tard. Sommeil tant bien que mal. Réveil. Ah bon. Voilà que je me termine en plaques. En plaques. Ça manquait les plaques. Depuis combien de jours tous ces suppléments? Va pour les plaques. Le lendemain encore, plaques. Des heures et des heures de plaques. Des plaques. J'attends la débâcle des plaques. Quand donc viendra la débâcle des plaques? Murs à présent. Vais-je devoir devenir un transporteur de murs? C'est absurde de vivre au lit avec des murs. C'est pas facile à lire, hein. Mais c'est justement là qu'on voit le travail littéraire, hein. Vous voyez toutes ces assonances, et on va en entendre d'autres, c'est assez formidable. Alors il y a un autre épisode de sa vie qui est relaté en fait dans un texte qui s'appelle « Comme un ensablement » en 1981, parce qu'il va avoir une rupture du talon d'Achille, hein, et il va être plâtré pendant un mois. Et là encore, il va nous raconter ce qui se passe dans son corps et ce qu'il ressent, en fait. Alors, je vais juste faire une toute petite parenthèse, mais pas des moindres. En fait, en 1948, c'est une année terrible pour Michaud et pour sa femme, Marie-Louise Termet, qui va mourir, en fait, atrocement, après un accident domestique, brûlé. Donc Michaud est parti, on est en 48, il est parti à Bruxelles pour l'héritage de son frère qui est mort en 45, pour faire des papiers. En fait, sa femme Marie-Louise est chez elle, et elle fait un feu de cheminée dans l'appartement parisien, et elle a une robe de chambre en nylon qui s'enflamme. Et dans la panique, en fait, elle va ouvrir la fenêtre et ça va faire un appel d'air et elle va mourir brûlée pendant un mois dans des souffrances atroces. Et ensuite, elle va avoir une embolie pulmonaire qui va l'emporter. Et c'est... voilà, ça c'est... Il y a peut-être ce poème que vous connaissez, je ne vais pas vous lire parce que je ne peux pas tout lire. La ralentie, qui est un des poèmes de Michaud, très très connu, où il raconte justement, non pas cet épisode, parce que ça il va le raconter dans un très beau texte qui s'appelle « Nous deux, encore ». Dans La Ralentie, il va raconter en fait, il a rencontré en fait sa femme en 34, mais ils se sont mariés en 43, et pendant ces quasiment 10 années, en fait, il va faire un va-et-vient avec une autre femme qu'il a rencontrée en Uruguay. Et en fait, parce que Michaud ne va pas vouloir du tout vivre cette vie commune, hein, son travail est trop important, et voilà, donc il va beaucoup beaucoup hésiter. Finalement, en 43, ils vont se marier, et en 48, il y a cet accident tragique. Accident qui... Il va écrire ce très beau texte, en fait, pour sa femme, qui est très très long, je ne vais pas vous le lire, je vais juste vous lire deux phrases au début. Je ne connaissais pas ma vie, ça s'appelle Nous deux encore. Je ne connaissais pas ma vie passait à travers toi. Ça devenait simple, cette grande affaire compliquée. Ça devenait simple malgré le souci. Ta faiblesse, j'étais raffermie lorsqu'elle s'appuyait sur moi. Dis, est-ce qu'on ne se rencontrera vraiment plus jamais? Lou, je parle une langue morte maintenant que je ne te parle plus. Tes grands efforts de liane en moi, tu vois, ont abouti. Tu le vois au moins? Il est vrai, jamais tu ne doutas, toi. Il fallait un aveugle comme moi, il lui fallait du temps, lui. Il fallait ta longue maladie, ta beauté ressurgissante de la maigreur et des fièvres. Il fallait cette lumière en toi, cette foi, pour percer enfin le mur de la marotte de son autonomie. Tard j'ai vu, tard j'ai su, tard j'ai appris, ensemble, qui ne semblait pas être dans ma destinée. Mais non trop tard, les années ont été pour nous, pas contre nous. Alors c'est en revenant... d'une nuit qu'il a passée auprès de sa femme, qu'il va se mettre encore plus à peindre. Donc on est en 48, il va lâcher toute sa tristesse, sa colère dans la peinture, et donc il va se mettre à peindre beaucoup dans l'aquarelle. Donc il va laisser en fait l'eau et on a vu c'est tourné. Bon, je vais revenir après. Et là encore, le but n'est pas du tout l'esthétisme, hein, dans sa peinture, mais toujours encore l'expérience et dans la rapidité d'exécution. Donc il n'a jamais appris ni le dessin ni la peinture. Hein. Il dit « Comme moi, la ligne cherche sans savoir ce qu'elle cherche, refuse les immédiates trouvailles, les solutions qui s'offrent, les relations premières, se gardant d'arriver, ligne aveugle d'investigation. » Donc il y a eu le choc littéraire avec Lautréamont et les Chants de Mal d'Aurore, et en 1925 il va découvrir en fait Paul Klee, Quirico et Marx Ernst, et donc 3 ans après ce choc littéraire avec Lautréamont. Et là en fait, quand je vis la première exposition de tableaux de Paul Klee, j'en revins, je me souviens, voûté d'un grand silence, fermé à la peinture, ce que j'y voyais je ne sais, je ne tenais pas à le savoir, trop heureux d'être passé de l'autre côté, dans l'aquarium, loin du coupant. Il écrit un texte absolument magnifique, vous pouvez aller voir, qui s'appelle « Aventure des lignes » sur la peinture de Klee. Il va expliquer en 38 aussi comment il passe de l'écriture à la peinture. Non, ça n'a pas marché. Bon, ça a marché quand je voulais pas, et ça marche pas maintenant. Je vous les remettrai après. Dans un texte qui s'appelle « Peindre », le déplacement des activités créatrices est un des plus étranges voyages en soi qu'on puisse faire. Étrange décongestion mise en sommeil d'une partie de la tête, la parlante, l'écrivante, partie non, système de connexion plutôt. On change de garde triage quand on se met à peindre. La fabrique à mots, mots pensée, mots image, mots émotion, mots motricité disparaît, se noie vertigineusement et si simplement, elle n'y est plus. Le bourgeonnement s'arrête, nuit, mort locale, plus d'envie, d'appétit par l'heure. La partie de la tête qui s'y trouvait la plus intéressée se refroidit. C'est une expérience surprenante. Et quel repos! Étrange émotion. On retrouve le monde par une autre fenêtre. Comme un enfant, il faut apprendre à marcher. On ne sait rien. On bourdonne de questions, on essaie constamment de deviner, de prévoir. Nouvelles difficultés, nouvelles tentations. Tout art a sa tentation propre et ses cadeaux. Il n'y a qu'à se laisser venir, laisser faire. Pour le moment, je peins sur des fonds noirs, hermétiquement noirs. Le noir est ma boule de cristal. Du noir seul, je vois de la vie sortir. Ça, c'était les alphabets. Voilà, c'est ces peintures-là. Ça, c'est les premières peintures dans les années 1927-37. Alors il signera d'un monogramme en fait HM, la dernière barre du H étant la première du M. Je trouve ça très joli. Donc après 35 ans de peinture, à 70 ans, il écrira « C'est mon être que la peinture a modifié. Ernst et Magritte avaient la peinture presque en naissant. Moi c'est l'inverse, je suis d'un milieu verbal. Avec la peinture, je me suis refait une vie. Elle a été un raffermissement des éléments que j'avais négligés. Elle me permet de comprendre ce que je n'avais pas compris. Dans la mesure où un homme doit renverser sa vie pour la retrouver, il doit en accepter les avantages et les inconvénients parce que c'est une deuxième vie, une vie à laquelle la première ne le préparait pas. » Vous voyez, vous me demandiez tout à l'heure pour la littérature et la peinture, on voit bien que le projet est le même, mais que voilà, il passe d'un matériau à un autre, mais ça continue, il continue d'écrire, bien entendu. Il a écrit des textes sur la peinture et sur l'expérience de la peinture et sur les peintres aussi. Voilà, absolument prodigieux. Et donc, c'est dans ces peintures qu'apparaissent donc, ces silhouettes allongées d'hommes, ces foules. Francis Bacon dira des tableaux de Michaud, « La figure d'un homme qui, en général, a l'air d'avancer péniblement à travers les gouffres. » Toujours dans la rapidité de l'exécution. C'est pour ça qu'il voulait pas peindre à l'huile. Donc ça c'est un peu plus tard. Ça c'est les idéogrammes. Je vais revenir sur ça. Ouais, sur ça parce que... Donc on est dans les années 50, donc il est dans la même mouvance des peintres, les peintres des années 50. Donc c'est Fautrier, c'est Dubuffet, c'est Artaud, c'est Brassailles avec les graffitis, c'est Giacometti, c'est Chézac, Germaine Richier, la sculptrice, c'est le très jeune Alechinski qui... Ah bah ça y est, il part tout seul. Je sais pas ce que je fais. Hein. c'est Zaouki. Hein, qui est à peu près de la même génération. Il a écrit de très beaux textes sur les peintures de Zaouki. Et il y a toujours une obsession des visages. Il va écrire en 1946 ce qu'il voit apparaître, en fait, quand il se met à peindre. Il n'y a jamais un objectif, en fait. C'est la peinture qu'il laisse venir, que ce soit l'aquarelle, les taches, et puis tout d'un coup, en fait, il voit apparaître des visages. Vous voyez, là, on a des espèces de foules, on ne sait pas ce que c'est, mais rien n'est prémédité. Hein. Tout est toujours dans ce même objectif de laisser surgir l'intérieur dans la spontanéité. Il écrit donc en 1946 « Derrière le visage aux traits immobiles, déserté, devenu simple masque, un autre visage supérieurement mobile bouillonne, se contracte, mijote dans un insupportable paroxysme. Derrière les traits figés, cherchant désespérément une issue, les expressions comme une bande de chiens hurleurs. Du pinceau, étant bien que mal, en taches noires, voilà qu'il s'écoule, il se libère. On est surpris les premières fois. Phase de perdu, de criminel parfois, ni connu, ni absolument étrangère non plus, étrange, lointaine correspondance. Visage des personnalités sacrifiées, des mois que la vie, la volonté, l'ambition, le goût de la rectitude et de la cohérence étouffa, tua. Visage qui réapparaîtront jusqu'à la fin. C'est si dur d'étouffer, de noyer définitivement. Visage de l'enfance, des peurs de l'enfance dont on a perdu plus la trame et l'objet que le souvenir. Visage qui ne croit pas que tout a été réglé par le passage à l'âge adulte, qui craignent encore l'affreux retour. Visage de la volonté peut-être qui toujours nous devance et tend à préformé toute chose, visage aussi de la recherche et du désir. Comme si l'on formait constamment en soi un visage fluide, idéalement plastique et malléable, qui se formerait et se déformerait selon les idées et les impressions, automatiquement, en une instantanée synthèse à longueur de journée, en quelque sorte cinématographiquement. Foule infinie, notre clan. Ce n'est pas dans la glace qu'il faut se considérer. Homme, regardez-vous dans le papier. Et dans les années 50, donc, il va reprendre aussi les idéogrammes là, que vous voyez avec l'encre de Chine. Donc, c'est la suite des alphabets qu'il avait commencé lors de son voyage en Équateur en 1927. Et il y a un livre qui va s'appeler « Mouvement », en fait. Donc, on a là en fait, un catalogue de signes et de formes illisibles et toujours anthropomorphes. Toujours anthropomorphe, avec des tâches ou une sorte d'écriture primitive, mais toujours aussi dans la répétition et dans l'exécution la plus rapide possible. Michaud écrit dans Saisir, pas de contour, pas faire le tour, traverser. La vie, la mouvementée, est dans ces traversées où pourtant on ne sait comment on se retrouve et on la retrouve. Donc, je vais revenir... très vite sur l'expérimentation des drogues. Donc, en fait, quand je dis expérimentation, c'est vraiment ça. Hein. Ça a été la mescaline, ça a été vraiment sous surveillance d'un médecin, avec un calcul des doses ingérées, etc. Et il y a eu aussi d'autres drogues, donc pendant 13 années, mais à des moments bien précis, entre 1955 et 1968. Alors, Michaud, comme beaucoup de gens à l'époque, dans les années en 36, en fait, avait lu les textes d'Antonin Artaud avec l'expérience des rites au Mexique, un voyage au pays des Tarahumara. Donc, il va rendre compte, Michaud, de ses expériences hallucinogènes dans trois livres, Misérable miracle en 56, L'infinie turbulence en 57, dont on parlait tout à l'heure, et Paix dans les brisements en 1959. Donc dans Misérable miracle surtout il revient sur l'expérimentation scientifique de la mescaline et sur l'exploration artistique donc, que ça lui a donné. La mescaline n'a fait que cueillir quelque chose qui était prêt et dans la postface de Misérable miracle il va préciser en fait et insister sur le fait que il n'est pas un drogué et que c'est vraiment l'expérience pour aller chercher au plus profond de lui. Un mot encore, aux amateurs de perspectives uniques, la tentation pourrait venir de juger dorénavant l'ensemble de mes écrits comme l'œuvre d'un drogué, je regrette. Je suis plutôt du type buveur d'eau, jamais d'alcool, pas d'excitant et depuis des années pas de café, pas de thé, pas de tabac. De loin en loin du vin, et peu, depuis toujours et de tout ce qui se prend, peu. Prendre et s'abstenir, surtout s'abstenir. La fatigue est ma drogue si l'on veut savoir. J'oubliais. J'ai dû, il y a 25 ans au plus, essayer 7 ou 8 fois l'éther, une fois le laudanum et deux affreux alcools. Voilà. So, par exemple, il y a la Beat Generation qui va se greffer, en fait, après, sur le travail de Michaud, mais lui, il avait prévenu, il n'est pas drogué du tout. Donc, quand il fait sa première expérience de la mescaline, il parle de sa bousculade dans le mental, donc c'est il y a un mélange de manie aiguë et de schizophrénie. Et donc c'est vraiment l'accélération du flux mental qui va expérimenter et ça va être toujours dans la répétition effrénée. Donc c'est vraiment, alors moi je bois le deuxième verre de vin, je suis déjà saoule. Je n'ai jamais pris de drogue, donc je ne sais pas quoi vous dire, je me fie à ce qu'il dit. Et donc c'est toujours c'est cette accélération de la pensée qui va toujours plus vite et c'est ce qui va lui permettre en fait de créer. Vous allez voir comment il cherche. Donc en fait, quand il va faire ses expériences, il va prendre la drogue et puis il va regarder des images, souvent des images par rapport à la mer, à la nature, etc. Et puis ça va créer des visions en fait. Et à partir de là, il va prendre des notes écrites ou des dessins, les dessins de la mescaline qu'on a vus. Et voilà. Et après, il va y avoir une retranscription aussi, parce que c'est dans le moment, il ne peut pas faire ça. Et il va nous dire pourquoi. Donc dans Misérable Miracle, il dit « Le texte primordial, plus sensible que lisible, aussi dessiné qu'écrit, ne pouvait de toute façon suffire. Lancé vivement, en saccade, dans et en travers de la page, les phrases interrompues aux syllabes volantes, effilochées, tiraillées, fonçaient, tombaient, mouraient. Leurs loques revivaient, repartaient, filaient, éclataient à nouveau. Leurs lettres s'achevaient en fumée ou disparaissaient en zigzag. Les suivantes discontinues pareillement continuaient de même leurs récits troublés, oiseaux en plein drame auxquels des ciseaux invisibles coupaient les ailes en plein vol. Parfois des mots se soudaient sur le champ. Martyriciblement, par exemple, me venait et me revenait, m'en disait long et je ne pouvais m'en dépêtrer. Un autre, infatigable, répétait cracratoa, cracratoa, cracratoa, ou un plus commun encore comme cristal, revenait 20 fois de suite, me tenant à lui seul un grand discours, chargé d'un autre monde, et je ne serais pas arrivée à l'augmenter de si peu que ce soit, ou à le compléter de quelque autre. Lui seul, comme un naufragé sur une île, mettait tout, et le reste et l'océan agité dont il venait de sortir, et qu'il rappelait irrésistiblement au naufragé que j'étais, comme lui seul et résistant dans la débâcle. Dans l'immense baratte à lumière, éclaboussée de clarté, j'avançais ivre et emporté sans jamais revenir en arrière. Comment dire ? Il aurait fallu une manière accidentée que je ne possède pas, faite de surprises, de coq à l'âne, d'aperçus en un instant, de rebondissements et d'incidences, un style instable, toboganant et babouin. Alors il va quand même bien entendu faire son travail et vous allez voir comment il va redonner en fait dans un texte ce qu'il a ressenti et redonner à travers les mots ce qui s'est produit en lui. C'est dans Paix dans les brisements et je vais vous lire un petit morceau. Je sais maintenant, je sais. La ligne qui pervertit, qui entraîne et le baroque, je sais. Cependant l'espace et l'espace mien qui me démange continuellement, bougeons et bouillonnons, ocelles, infinies d'ocelles qui pullulent, je me prête aux ocelles, aux infinies déchirures, aux volutes, je me plie aux mille plis qui me plient, me déplient, petit traître qui vertigineusement m'effiloche, me laisse en frissonnant tirer les sonnettes sans fin qui sans cesse pour rien m'appellent. Infini, infini qui au corps me travaille et rit de mon fini, qui en frémissement éludant et par retrait fait poussière de mon fini, infini qui m'étend et sans effort, sans spectacle de méprise me dessaisit. Blanche vermine de broderie trop fine, qui court partout et ne se rend nulle part, trop fine et m'étire, me mine et m'effile, espace qui en dentelle éperdument m'horripile, me crible et l'esprit m'épile, foule, fuselé. Frisson traduit en palais ciselé, aux colonnettes trop sveltes, brillance par défaillance, ornement par chatouillement, stalactite par glissement. En vérité, de la poudre que j'ai mangée sont sortis tous ces plis et tout ce qui luit et tout ce qui se contredit et me contredit et dit contre ce que je dis quand je dis que je miette de je miette en loin de j, de grand S oblique m'oblige à serpentiner, difficulté recourbée, le multiple me dépaisse, malmené, d'un pff, pff, des empêches pensées sans cesse subitement me subtilisent, tenant ma tête sous foisonnement, intolabel, je lutte atroce le torrentiel. Se souvenir, il faudra se souvenir, traversé de troupeaux de paroxysmes, 20 000 cascades coulent en moi, l'enfer devient laine, transport, une âme immense veut entrer dans mon âme, des îles incessamment chavirent dans mon océan. Passage à plis, passage pétillant, passage furieusement chiffonné, totalement abat, mâché, on me lappe, j'agonise, j'aime, j'épouse ma mort, je coule, on me laisse remourir, encore, je coule, sable du sablier de mon temps, précipitamment, s'effondrant précipitamment comme torrent de montagne, jusqu'à quand ? Voilà ce que ça peut donner. C'est pas ça. Alors, il est -5. Je vais alors juste vous dire que je vous ai dit qu'il était contre toute forme. Hein. On a à un moment voulu faire un. Il y a eu un petit film expérimental un film de 36 minutes en 63 et dans le préambule en fait on entend. Alors je ne sais pas si c'est la voix de Michaud. Mais on entend, en fait, il n'était pas du tout content de ces images, parce qu'on a voulu, en fait, vraiment mettre en scène ça, ce que je viens de lire à la fois dans l'image. Et en fait, il va dire dans un texte absolument sublime l'impossibilité, en fait, de l'image filmée, de dire la véritable expérience qu'il a vécue sous la mescaline. Voilà, vous irez le lire, c'est un très, très... Enfin non, vous pouvez aller sur Internet en fait, et vous allez voir, alors regardez pas le documentaire, enfin les quelques images qu'on a, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas bien, mais le texte que lit Michaud, enfin on le voit pas, mais qui lit le préambule. Je vous ai dit que Michaud s'inscrit dans aucun courant pictural ou littéraire, et donc la force de son œuvre si personnelle est si personnelle parce qu'elle est... universelle et elle nous parle. Enfin, j'espère qu'elle vous avoir donné envie d'y aller voir plus loin. Je vais finir avec un texte sur les taches en fait en peinture, puisqu'on a voulu l'enfermer dans ce mouvement du tachisme qui était entre 1940 et 1950. Hein, c'est le mouvement qui est de peinture qui correspondant à l'expressionnisme abstrait américain, hein, l'action painting comme on appelle. Et donc le tachisme en France, c'était Riopel, c'était Fautrier, c'était Alechinski, j'ai dit, Messagier. Et là encore, Michaud va s'en démarquer et exprimer son expérimentation opiniâtre en fait de la peinture. Donc ce texte écrit en 59 pour le catalogue de l'exposition à la galerie Daniel Cordier à Paris et qui contient toute la démarche artistique. Vous allez voir de Michaud et tous les stratagèmes qu'il a utilisés pour parvenir à se frayer un chemin et traduire en texte et en images les émotions, les impressions ressenties au plus profond de lui. Donc en forme de conclusion, ce très beau texte, et vous allez voir, on ne va pas en faire une explication littéraire, stylistique, parce que j'ai plus le temps, et puis ça ne me plaît pas, mais vous allez voir que en guise de conclusion, on va retrouver toute la colère, la rage, le dégoût et l'anéantissement par le corps à corps et dans la vitesse qui ne doit rien figer, en fait. On m'attend, je le parie aux tâches. Eh bien, je les déteste. J'aime l'eau, mais elle, non. Elle me dégoûte. Je n'ai de cesse que je les ai faites sauter, courir, grimper et dévaler. Telles quelles, elles me sont odieuses et vraiment seulement des tâches qui ne me disent rien. Donc je me bats avec elles, je les fouette. Je voudrais tout de suite être débarrassée de leurs bêtises, effondrer et les galvaniser, les rendre éperdues, exaspérées, les allier monstrueusement malgré elles à tout ce qui bouge, à l'innommable foule d'êtres, de non-êtres, de fureurs d'êtres, à tout ce qui, d'ici ou d'ailleurs, insatiable désir de nœud de force est destiné à n'être jamais concrétisé. Avec leurs troupes, je m'emploie à guérir les tâches. Les tâches, c'est une provocation. J'y réponds. Vite. Il faut faire vite. Avec ces molles capables de se vautrer partout. C'est tout de suite la minute de vérité, tout de suite, avant qu'elles n'étendent leur domaine d'abjection et de vomissement. Insupportable tâche. Tachiste, si j'en suis un, qui ne peut tolérer les tâches. Voilà.